La semaine dernière, Franck nous a présenté une perspective historique de la bioéthique dans les sociétés occidentales. Aujourd'hui, nous verrons avec lui que la question est loin d'être tranchée et qu'il n'y a jamais de réponse simple. Quel est le statut de l'embryon humain, par exemple? Quand commence la vie? Qu'est-ce qu'un humain, d'ailleurs? Et ce n'est là que la pointe de l'iceberg des questions épineuses posées ce soir. Nous sommes de nouveau le mercredi 31 mai. Oui, la semaine dernière aussi, mais j'étais un peu fatigué, désolé. Vous êtes sur Podcast Science, bienvenue. Professeur Fon, pour vous accueillir, ce soir je suis avec Franck. Salut Franck. Salut prof. Et c'est tout pour le moment. Peut-être que Marco nous rejoindra en cours de route. Hein. On va essayer de se débrouiller pour faire l'émission à deux. Alors Franck, est-ce que avant d'attaquer ton deuxième dossier, enfin la deuxième partie du dossier sur la bioéthique, tu voulais peut-être revenir sur quelques questions soulevées la semaine Ouais. dernière? Bon, non, juste un truc qui m'a arraché les oreilles quand j'ai réécouté le dossier que j'ai fait la semaine dernière. Donc c'était à propos de l'étude de Tuskegee, bon. Et Tuskegee. Et en fait, j'ai dit que la syphilis avait été inoculée donc aux patients de cette étude. En fait, c'est faux. Elle n'a pas été inoculée. C'est juste que les patients n'ont pas été traités. Donc voilà, ça m'a arraché les oreilles. Il y a plein d'autres choses qui m'ont arraché les oreilles, mais ça, c'était la pire, je pense. Ouais. Et puis globalement, il y avait beaucoup de généralités. J'ai dû aller vite sur beaucoup de concepts. Et donc ça doit être un petit peu énervant à écouter pour ceux qui s'y connaissent éventuellement plus dans les domaines que j'ai abordés. Donc voilà, c'était un petit peu pour dire que j'aurais préféré pouvoir m'attarder plus si j'avais plus travaillé le dossier et si j'avais eu plus de temps, mais j'ai pas pu, donc voilà, je suis désolé. Bon, on va dire à ta décharge quand même que tu l'avais fini la veille à 4h du Voilà, matin, le dossier. j'étais un peu en On fait de galère, notre mieux, on fait ce qu'on peut, c'est pas toujours facile de trouver le temps, ça prend un temps fou de les faire ces dossiers. ouais. Et On se rend oui. pas forcément compte en écoutant. Mais ok, bon, mais de toute façon, ma foi, on peut toujours corriger le tir la semaine suivante, le cas échéant, comme tu viens de le faire, donc c'est pas un drame, c'est bien que tu l'aies fait. Et puis, cette fois, tu l'as fini à 4h du matin, de nouveau, Non, je l'ai fini il y a ton une sujet? heure. Tu l'as fini il y a 1 heure. Bon, bah c'est bien. Magnifique. Presque à l'aise, là. Relax. Relax, t'as vu. Ok. Bah écoute, moi, je me réjouis beaucoup d'entendre la suite. T'es Ok, prêt? alors c'est parti. Alors, on y va. Ah, donc, donc juste, je finissais le dossier de la semaine dernière sur le rapport Belmont. Et donc ce rapport Belmont, qui est un rapport qui a fixé les règles de la bioéthique aux États-Unis, comprenait, je ne sais pas si vous vous souvenez, trois points principaux: le respect de la personne. Donc avec le consentement libre et éclairé pour les études de recherche médicale. Donc, il y avait le respect de la personne, il y avait la notion de bienfaisance, c'est-à-dire que tout acte, toute étude ou acte de recherche biomédicale doit être positif, il doit avoir une balance bénéfice-risque qui est positive, et la justice, c'est-à-dire que tout le monde doit participer équitablement à l'effort, disons, entre guillemets, de recherche médicale. Donc, il y avait le respect de la personne, la bienfaisance et la justice. Donc, je voulais juste revenir sur ce que j'ai pas pu dire à la fin du dossier la semaine dernière, sur la bienfaisance. Parce que je trouve ça assez amusant, la manière dont ça peut être évalué, cette notion de bienfaisance, de rapport bénéfice-risque. Alors, il y a d'abord les analyses coûts, ce qu'on appelle les études, pour parler, donc, par exemple, quand on va analyser par exemple, une campagne de prévention contre le sida. On va dire contre le VIH, on va dire ça coûte 1 million d'euros et ça va permettre d'éviter 1 000 cas, par exemple. Donc, Et combien le cas? C'est voilà, ça finalement, ça. c'est un peu l'idée, exactement. Et on va dire, mais c'est pas encore ça tout à fait pour l'instant. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle l'analyse coût-efficacité. Donc on a soit cette option-là, soit on va dire, bon, avec ce 1 million d'euros, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être, par exemple, on va faire une distribution de préservatifs. Bon, c'est une campagne de préservation. Non, non, ça marche pas. On va dire, on va rendre les traitements gratuits. Donc, rendre les traitements gratuits, c'est une autre mesure qui va avoir un certain prix, qui va avoir un autre effet sur la mortalité par le VIH. D'accord. Franck, t'es toujours avec nous? J'ai comme un doute là, Comment? je t'entends plus du tout. Ah oui, allô? Ouais, voilà, non, c'est bon. Ok, bizarre. Donc on a donc d'une part, on va évaluer la campagne de prévention, d'autre part le remboursement des médicaments. Et comment on va départager ces deux mesures? On va mesurer le nombre d'années de vie gagnées pour chaque mesure. Donc, par exemple, pour la campagne de prévention, on va faire que tant de personnes vont ne pas attraper le sida, ce qui correspond à chacune à une augmentation de leur espérance de vie. Et donc, comme ça, on va pouvoir calculer un nombre d'années de vie. Tu me suis? Ouais, je te suis. Et de l'autre côté, on va dire, bon, le fait de payer les traitements, ça permet que tant de personnes peuvent avoir accès au traitement, ça permet de gagner encore tant d'années de vie. Donc là, on va diviser le coût par le nombre d'années de vie gagnées. Et donc ça permet de comparer deux mesures de santé publique. D'accord. Donc ça, c'est un truc qui est couramment utilisé pour décider de ce qu'on va, comment on va agir en santé publique. Mais il y a encore plus violent. Il y a ce qu'on appelle les analyses coûts-bénéfices. Et donc là, c'est là que ça coince vraiment au niveau éthique. Et c'est pas utilisé du tout en France, c'est utilisé que dans les pays anglo-saxons ou scandinaves. Donc ces analyses coûts-bénéfices, ça utilise ce qu'on appelle la valeur de la vie statistique. Alors pour déterminer cette valeur de la vie statistique, il faut évaluer ce qu'on appelle le consentement à payer. Donc je vais te poser une question, Alan. C'est mettons que tu aies une chance sur 100 de mourir l'année prochaine. Ouais. Co combien est-ce que tu paierais pour avoir que 0,05 combien est-ce que tu serais pas prêt à payer pour avoir que 0,05 chances sur 100 de mourir l'année prochaine? Écoute, j'en sais rien, c'est une question Tu sais pas? impossible. T'as aucune idée. J'ai aucune Bon. idée. Bon, bah, quand on demande, enfin bon là, on est un petit peu, je te prends un petit peu au dépourvu, mais quand on demande ça aux gens, généralement, ils te donnent une réponse de, par exemple, je sais pas, 10 000 euros, 20 000 euros, etc. Donc, en fait, après, on va dire, donc 20 000 euros, 20 000 euros, ça correspond à une diminution de la probabilité de la mortalité sur un an de 0,05. Tu me suis? Je te suis, Et ouais. donc, on divise 20 000 par 0,05. Donc en fait ça c'est une règle de 3. En divisant 20 000 par 0,05, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir le montant pour une probabilité de 1. Et donc D'accord. là, avec cet exemple, j'arrive à un montant de 400 000 euros. Donc c'est un coût théorique en fait qui évalue avec. Il faudrait donner 400 000 euros à la personne interrogée, théoriquement, pour qu'elle ait une probabilité de 1 de mourir dans l'année prochaine. OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur de la vie statistique. Ça permet en fait d'évaluer l'intérêt d'une mesure toute seule, en elle-même. Par exemple, un médicament va faire gagner tant d'années de vie. Combien coûte le développement de ce médicament, etc. Et donc, à partir de là, on peut juger si la mesure est rentable. Ok, ouais, c'est légèrement cynique. C'est très cynique, voilà, exactement. Donc ça fait beaucoup grincer des dents, mais aujourd'hui, c'est utilisé aux États-Unis, c'est obligatoire même. Ils sont obligés avant tout projet de réglementation avec un impact significatif, ils sont obligés de faire une analyse coût-bénéfice avant pour savoir si c'est rentable. Là, les valeurs que j'ai données, donc 20 000 euros pour 0,5, c'est bidon. En fait, une des valeurs de référence qu'on peut envisager, c'est 120 fois le PIB par habitant. Donc, le PIB par habitant mondial est de 9 000 dollars. Ça donne 1 million d'euros, 1 million de dollars par valeur de vie statistique. Voilà. En moyenne. En moyenne. D'accord. Sauf que c'est beaucoup plus, en fait, dans les pays industrialisés. En Oui, France, bien on va sûr. considérer que c'est autour de 5 millions. Ouais. Ouais, voilà. Ensuite, il y a un dernier point sur cette manière de peser le bénéfice et le risque. C'est aujourd'hui en France, donc justement nous en France, on n'utilise pas ces analyses coûts-bénéfices parce qu'elles sont beaucoup décriées du point de vue éthique, etc. Mais il y a un exemple qui je trouvais assez intéressant pour toucher du doigt ce que ça implique en fait, c'est qu'aujourd'hui en France, en toxicologie, donc par exemple pour les gens qui travaillent dans des usines utilisant des produits toxiques, on va déterminer des seuils limites. Dans l'eau du robinet, par exemple, on détermine un seuil limite de telle substance et on va dire en dessous de cette seuil limite, le risque est nul. Ce qui est fou en réalité. Et en fait, pour atteindre ce seuil, on va pratiquer des traitements sur l'eau pour faire disparaître la substance ou pour la diminuer en dessous de ce seuil. Et en fait, si on faisait une analyse coût-bénéfice de ces mesures, donc pour purifier l'eau, etc., on serait peut-être amené à fixer un seuil qui est beaucoup plus élevé, mais en fait, ça serait rentable d'un point de vue économique. Et c'est pour ça que l'analyse coût-bénéfice est mal vue, parce qu'en fait, nous, on en est à une approche de risque zéro qui, en fait, est peut-être erronée, parce qu'on sait que le risque zéro n'existe pas. Bien sûr. Et l'analyse coût-bénéfice, elle nous pousserait à peut-être moins traiter l'eau, mais au final, la variation de risque ne serait pas très importante, et ça serait rentable financièrement. Donc, et c'est là qu'il y a un certain paradoxe, c'est qu'en fait, nous, enfin, actuellement en France, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, parce qu'on recherche le risque zéro. Voilà. Donc, voilà pour cette... Ouais, enfin, sachant que le risque zéro n'existe pas, c'est vrai que c'est quand même très discutable, parce que c'est ce qui nous conduit aussi parfois au principe de précaution. Ouais. C'est le principe de précaution. Oui, c'est ça. Enfin, il y a quelque chose d'idéologique dans le risque zéro qui est aussi porteur de pas mal de dérives. Ouais. Mais c'est vrai qu'en face, si la seule alternative, c'est de fixer comme ça... C'est une des principales, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, il y en a d'autres. Tu vas nous en parler. Ouais, il y en a d'autres, mais qui sont moins utilisées. Hein. Je pense, d'accord. La principale, je crois que c'est cette approche d'analyse coût-bénéfice. D'accord. Et qui est d'ailleurs généralisée aux États-Unis. Donc voilà, donc ça c'était pour finir donc sur cette notion de bénéfice-risque. Mmh. Alors maintenant je vais revenir au développement de la bioéthique et revenir à la fin de la guerre, donc comme j'en parlais la semaine dernière avec toutes les atrocités qui ont été commises pendant la guerre. Et donc on a vu donc la semaine dernière qu'après la guerre il y avait eu la fondation de l'Assemblée médicale mondiale, donc qui a pris en charge la bioéthique et notamment du point de vue de la pratique médicale. Mais à la sortie de la guerre, il y a eu également une autre fondation très importante, c'est la fondation de l'ONU. Et cette fondation de l'ONU, elle repose sur la déclaration des droits de l'homme. Et cette déclaration des droits de l'homme, elle introduit un nouveau concept qui était inédit dans le droit international et donc qui va faire son apparition à la succession des horreurs perpétrées pendant la guerre. Et ce nouveau concept, c'est ce qu'on va appeler la dignité humaine. D'accord. Donc avant de vous parler de ce concept de dignité humaine, je vais faire juste un tout petit rappel rapide sur les techniques médicales qui apparaissent dans ces périodes-là et à partir de après la guerre, ça va avoir un point de comparaison. Enfin, sur quoi va intervenir cette dignité humaine. Donc d'abord, il y a l'avortement. Donc ça, par contre, ça existe depuis toujours. L'avortement, c'est interdit à l'époque. C'est interdit dans tous les pays industrialisés. C'est interdit en 1920 en France. C'est interdit aux USA. C'est interdit en Angleterre. C'est interdit par l'Église catholique sous peine d'excommunion. Donc il y a l'avortement qui est interdit. Il y a la procréation médicale assistée qui fait son apparition après la guerre. Il y a les progrès de la génétique qui vont faire leur apparition après la guerre, donc avec la découverte de l'ADN, le diagnostic génétique, etc. Il y a le développement des transplantations d'organes, la greffe d'organes, etc. et le clonage. Donc voilà, donc ça c'est juste pour que vous ayez l'esprit les avancées biologiques qui vont intervenir après la guerre. Mais donc maintenant retour au nouveau concept, donc la dignité humaine. Si on prend la déclaration des droits de l'homme de l'ONU, l'article 1er c'est tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc ça, c'est la première phrase. Après, il y a une autre phrase, mais la première phrase, c'est ça. Et si on la compare à son modèle, qui est donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, enfin, la première des déclarations des droits de l'homme en France, qui était « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». C'est vrai, il n'y avait pas cette notion de dignité. Exactement. Il y a ce mot « la dignité » qui est apparu comme ça. Et en plus, dans le préambule de cette déclaration de l'ONU de 1948, il y a deux fois cité ce concept de dignité humaine qui apparaît vraiment comme ça pour la première fois. Ouais, je suis en train de regarder pendant que tu parles dans le Ngram Viewer de Google, je ne sais pas si tu connais. Oui, j'adore ça d'ailleurs. Ouais, c'est un truc assez génial, donc j'ai mis dignité humaine entre 1900 et 2000 dans le corpus français, puis effectivement on voit une pointe. Entre les années 40 et 50, bon, ça retombe un peu après, mais ça reste vachement haut par rapport à ce que c'était avant. Quoi. Donc c'est vrai qu'on voit clairement l'émergence du concept à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est fort, j'avais pas pensé à faire ça. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Ok. Et alors, bon, donc ce concept de dignité, il est totalement absent du droit français. à l'époque, hein, il va apparaître dans le droit français qu'en 1994, c'est-à-dire que 40 ans après, voire même 50, si je calcule bien, 50 ans après seulement, il va apparaître en droit français. Comment est-ce qu'il va apparaître en droit français? Il va apparaître donc à l'occasion des premières lois de bioéthique en France. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de loi de bioéthique en France, il y avait juste le code de la santé publique et les normes internationales auxquelles la France souscrivait. Et alors, en 1994, en France, on va introduire la bioéthique donc par la promulgation des lois qui sont... qui ont des numéros que je ne vais pas dire, ça n'a pas d'importance. Mais donc la loi, il y a trois lois en 1994, la loi relative au respect du corps humain et la loi de bioéthique relative au don, à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Et il y a une troisième loi, j'ai oublié son nom, je vous dirai tout à l'heure, donc il y a trois lois. D'accord. Donc l'article numéro 2 de l'une d'entre elles, de ces lois, dit « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. » Donc là, il y a deux éléments importants. Donc, il y a la dignité de celle-ci, donc l'introduction de la dignité dans la loi. Mmh. Et cette loi va être intégrée au code civil, donc le recueil... un des recueils les plus importants de la loi. Enfin, bon, je ne suis pas juriste. Oui. Ouais. Et il y a donc cette notion de dignité et cette notion de commencement de la vie. Donc, je vais en reparler tout à l'heure, mais cette notion de commencement de la vie, elle est très importante. D'une part, il y a cet article de loi qui introduit la dignité dans la loi française. Et d'autre part, il y a une décision du Conseil constitutionnel, donc qui est un des organes les plus importants en France pour valider la constitutionnalité des lois en France, qui va prendre une décision et qui va dire « La sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. » C'est-à-dire que non seulement on va l'introduire la dignité en tant que loi, mais on va également l'introduire en tant que principe à valeur constitutionnelle. Oui, d'ailleurs, je m'aperçois que je parle beaucoup du droit français, j'ai étudié de manière plus poussée le droit français parce que forcément, c'est pour moi, enfin, comment dire, il fallait que je choisisse un pays pour voir en précision. Ouais, tu comprends. Mais j'avais pas le temps de le faire pour tous les pays, quoi. Mais je pense que ça doit se passer à peu près pareil. Disons que on va prendre l'exemple du droit français. Ouais, bah, qui doit être assez représentatif. En tout cas, c'est un des droits importants. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Puis à la fin, si on a le temps, j'aurai d'autres exemples à vous proposer, mais il faut voir si on a le temps. Quoi. Ok. Alors, donc, ce concept de dignité, donc, il est élevé par le Conseil constitutionnel à valeur constitutionnelle. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que ce concept, qu'est-ce qui recouvre ce concept. Et ce concept est très important parce qu'après cette décision du Conseil constitutionnel, il est intervenu dans plein de décisions de cours de justice. Par exemple, pour l'hébergement des étrangers en situation irrégulière, on va faire intervenir la notion de dignité humaine. Pour l'interrogatoire des prévenus en garde à vue, pour les bizutages dans les grandes écoles, pour les essais nucléaires en Nouvelle-Calédonie, et pour une affaire qui est très importante parce que, enfin, l'affaire du lancer de nains qui avait fait beaucoup parler d'elle, oui, à l'époque. C'est juste, hein. Et donc tout ça, ça va tenir compte de ce concept de dignité humaine qui a pris une grande importance dans le droit français. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept? Ce concept, donc, il est affirmé, comme je vous ai dit, par l'ONU par la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et il va être donc repris. Il n'est pas détaillé, il n'est pas plus explicité que ça dans la Déclaration des droits de l'homme. Il est par contre plus explicité dans la Convention du Conseil de l'Europe, la Convention d'Oviedo en 97. Ok. Donc cette convention qui va fixer des normes internationales de bioéthique, donc c'en est une autre, hein, j'en ai cité déjà. J'ai cité par exemple le rapport Belmont aux États-Unis, le code de Nuremberg, ça c'était la semaine dernière, etc. Mmh. Donc là, il y en a un nouveau, c'est la convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe. Donc je mettrai en lien la carte des signataires, il y a pas mal de pays de l'Europe, dont la Suisse, la France est signataire, la Suisse l'a ratifiée. Bon, là, c'est des petites différences juridiques. Mais donc voilà. Donc dans cette convention d'Oviedo, il y a la pierre angulaire de cette convention, l'élément majeur, c'est encore une fois la dignité de l'être humain. Cette convention, elle va dire que la protection de la dignité de l'être humain désigne la valeur éthique essentielle à maintenir. Alors, cette valeur de la dignité humaine, elle va affirmer dans cette convention, on va affirmer que elle est duale en fait. Il y a une dignité qui est orientée sur la protection de l'individu, donc c'est la dignité de l'homme, et il y a la dignité du genre humain. Donc d'une part la dignité de l'homme et d'autre part la dignité du genre humain. D'accord. Et l'article 2 de cette convention, il va parler d'une chose super intéressante, enfin moi j'ai trouvé super intéressante, qui est l'intérêt. Donc l'article 2, c'est l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que ça affirme le fait que la société et la science sont au service de l'être humain, et c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas l'être humain qui doit servir la société ou la science. Ouais. C'est l'être humain qui reste au centre des préoccupations de la société et qui ne peut pas être instrumentalisé. Mais on ne sait pas forcément ce qui est entendu par être humain, est-ce que c'est l'individu ou c'est l'être humain en tant qu'espèce ? Eh bien les deux justement, ouais. D'accord. C'est les okay. deux. Mmh. Alors, donc on va voir un petit peu comment ça se décline à travers donc ces deux thèmes, donc l'intégrité de la personne et de l'espèce. Ouais. Mais ce qu'il faut préciser aussi avant, c'est toujours dans cette convention d'Oviedo, il y a une réticence à délivrer des définitions. Donc comme tu disais, ce qu'est être humain, ce qu'est la dignité, elle n'est pas définie clairement, elle est juste déclinée, qu'est-ce qui va être digne de l'être humain ou pas. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de définition très claire dans cette convention. Okay. Alors, à propos de la dignité et de l'intégrité, donc de la personne. L'intégrité, c'est la personne. Donc, une nouvelle fois affirmé, bon, ça c'est plus nouveau du tout, c'est le consentement. Le consentement fait partie de la dignité de la personne. Ne pas prendre le consentement d'une personne pour la faire participer, pour lui administrer un traitement, pour la faire participer à une étude, pour la soigner, etc., c'est faire atteinte à sa dignité. Mmh. En l'absence de la capacité de consentir, si la personne ne peut plus consentir, on ne peut agir que pour son bénéfice direct. Et donc il n'y a que dans ce cas-là qu'on pourra se passer de son consentement explicite. Cette convention, elle affirme également le droit de ne pas savoir, la protection du corps. Donc la protection du corps fait partie de la dignité. Le corps est une partie intégrante de la dignité de l'être humain. Donc la convention affirme que le corps humain et ses parties ne doivent pas être en tant que telle source de profit. Et c'est marrant, cet article, il est indiqué qu'il ne s'applique pas aux cheveux et aux ongles. Donc c'est en fait les tissus de rebut dont la vente ne constitue pas une atteinte à la dignité humaine. D'accord. Donc il y a des parties humaines qui sont dignes et des parties humaines qui sont indignes. Mais là encore une fois, il n'y a pas de définition claire, il y a juste des concepts. Et donc, il est apparu dans la jurisprudence après que les cheveux et les ongles n'étaient pas des parties dignes. Il a fallu une jurisprudence pour ça. Là, je crois que je sais pas si c'est une jurisprudence. Ouais. Je pense pas que ça soit affirmé dans le texte de départ. Mais ouais, je trouve ça plutôt drôle. J'imagine dans quelles circonstances ça a pu se produire, genre quelqu'un a attaqué son coiffeur. Voilà, ouais. Ce genre de choses. Ouais, c'est marrant. Mais, ouais, c'est marrant qu'il y ait deux types de tissus, quoi. Enfin, bon, bref. Mm-hmm. Après, donc le prélèvement d'organes, est possible. Il est donc permis. Il ne fait pas une atteinte à la dignité humaine. Il y a une petite différence entre la convention d'Oviedo, donc internationale, et le droit français. C'est la notion d'anonymat. C'est-à-dire que dans le droit français, l'anonymat est obligatoire, et donc dans la convention d'Oviedo, l'anonymat n'est pas considéré comme obligatoire. Ouais. Donc ça, c'était pour l'intégrité de l'espèce humaine. Maintenant, non, pardon, c'était l'intégrité de l'individu. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, on va voir la dignité de l'espèce humaine. Donc juste pour rajouter quelque chose, donc cette dignité de l'espèce, cette convention de Oviedo, il y a eu ce qu'on appelle un protocole additionnel qui va interdire le clonage humain en 98. Donc comment la dignité. Qu'est-ce que c'est que la dignité de l'espèce humaine ? Alors là, il faut affirmer, il faut comprendre ce qu'ils entendent par espèce humaine. En fait, ce qui est considéré comme espèce humaine, en fait, c'est l'identité de l'homme. Et donc, l'identité de l'homme, c'est qu'est-ce que l'être humain ? C'est son patrimoine génétique. D'accord. Et donc cet état de fait, c'est conforté par la déclaration sur le génome humain de l'UNESCO, qui va réaffirmer va affirmer que le génome fait partie du patrimoine de l'humanité. Et donc, en fait, la préservation du génome humain est un élément de la dignité de l'espèce humaine. Donc, en fait, le génome est le la c'est je sais c'est dur à formuler, mais la préservation du génome est un élément clé donc de la dignité humaine. Donc dès lors, il est nécessaire au maintien de la dignité humaine, il est nécessaire de préserver le génome humain. Donc ça, c'est donc une des premières choses. Donc la discrimination, donc ce que la Convention d'Oviedo va affirmer de ce point de vue-là, ça va être que la discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite. C'est-à-dire qu'en fait, si on discrimine une personne sur son patrimoine génétique, on fait atteinte à sa dignité parce qu'on on fait atteinte à son génome, quoi. Donc avant, ce qui était évident dans la législation, c'est que la discrimination était interdite en fonction du sexe, de la race, de la religion, de l'opinion politique. On pouvait discriminer quelqu'un en fonction de ses actes. Par exemple, si quelqu'un fait un acte illégal, on le jette en prison. Donc enfin, il y a des discriminations qui sont possibles. Et donc le patrimoine génétique, ça représente, c'est quelque chose sur la base duquel on ne peut pas discriminer, au regard de la loi, bien sûr. C'est vachement intéressant ça, parce qu'on a quand même tous un patrimoine génétique différent. Oui, C'est ça qui justement. m'épate. Ça veut dire Mais qu'on peut plus discriminer personne. en fait, c'est justement parce qu'on a tous un patrimoine génétique différent. En fait, c'est le caractère multiple du patrimoine génétique humain qui est partie composante de la dignité. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais Mais c'est marrant parce que tu dis que ça date de quelle époque? C'était 98, c'est ça? Non, c'est un peu avancé. Bah, la conférence d'Oviedo, Donc c'est c'est 97, t'as dit, la bah, convention? 97, voilà. Ouais, d'accord. C'était avant les grands travaux, les premiers travaux justement Sur le sur le génome, ouais. génome, ouais. On sentait que ça allait. C'était les Ouais, préalables c'était juridiques. dans l'air du temps, hein, comme s'il s'agissait de poser un cadre en fait, avant qu'on fasse des conneries avec ça. C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'il y Ouais. a eu les lois de bioéthique en France seulement en 94, parce que jusqu'avant, on n'en avait pas besoin, quoi. Donc, la discrimination en fonction du patrimoine génétique n'est pas possible, enfin est interdite, enfin fait atteinte à la dignité de l'espèce humaine. Par contre, qu'est-ce qu'elle va dire cette convention d'Oviedo? Elle va dire que la modification du génome est autorisée, mais elle est autorisée à deux conditions. Primo, c'est qu'elle doit poursuivre un but de prévention, de diagnostic ou de thérapeutique, donc il faut que ça soit utile, quoi. Et deuxièmement, elle doit surtout ne pas introduire une modification de la descendance, c'est-à-dire pas de modification des gamètes, de la lignée germinale. Et ça, c'est applicable aussi pour la recherche scientifique. Donc en fait, ça s'inscrit dans l'idée qu'il ne faut pas modifier le génome humain. Après, ce qui apparaît, c'est que finalement, les thérapies géniques, donc, qui vont consister à administrer un gène à quelqu'un pour modifier ces gènes qui sont défaillants, théoriquement, elles peuvent modifier également le génome des gamètes. Mais c'est toléré, on va dire. Après, donc, il y a ce que je vous disais, donc, le protocole de Paris qui va interdire absolument le clonage humain, parce que le clonage humain, donc, c'est une atteinte à la multiplicité, en fait, du génome humain. En fait, c'est une modification du caractère multiple du génome humain, en fait. C'est ça l'idée juridique sur la base de laquelle le clonage humain est interdit. D'accord. Et il n'y a absolument aucune dérogation qui est possible à cette interdiction. OK. Par contre, donc cette convention d'Oviedo ne définit pas ce que c'est, comme je disais tout à l'heure, que l'être humain. Parce qu'en fait, quand on parle de clonage, il y a deux types de clonage. Il y a le clonage de l'individu entier et il y a le clonage d'un gène. C'est-à-dire qu'on peut prendre juste un gène pour le multiplier dans des micro-organismes. Bon, ça, de ce côté-là, c'est pas un problème. Mais l'organisme entier, ça c'est interdit. Et on ne se prononce pas non plus sur les cellules souches, les embryons, etc. Donc voilà le flou laissé sur ce point-là par la Convention. Ensuite, il y a un dernier point, c'est à propos de la recherche scientifique. Et donc là, également, c'est important parce que il faut savoir si la recherche scientifique utilisant des embryons ou des cellules souches humaines est possible. Et donc là, le flou est laissé. Il y a juste une interdiction de former des embryons en vue d'une recherche. Mais par contre, il y a possibilité d'utiliser des embryons qui n'auraient pas été formés en vue de faire une recherche médicale. Donc il y a obligation dans ce cas-là de protéger, si la recherche est légale dans le pays dans lequel elle est faite, il y a l'obligation de protéger les embryons. Donc voilà pour cette convention. Donc ça concerne uniquement le Conseil de l'Europe. Donc en fait, le Conseil de l'Europe, c'est l'Union européenne étendue, quoi. C'est tous les États européens. Mais tout le monde n'a pas signé cette convention. Il y a notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne qui l'ont pas signé. Il faut regarder la carte, mais tout le monde l'a pas signé. Je vais faire un petit retour maintenant sur le statut de l'embryon en France, parce qu'on voit que c'est un des grands flous laissés par la convention d'Oviedo. Alors, l'embryon, il a un statut flou dans toutes les législations, parce qu'en fait, quels sont les faits? La personne juridique dans le droit français, elle apparaît après la naissance avec la rédaction de son état civil. Donc l'état civil détermine la personne juridique et l'état civil est fait à la naissance. Donc avant la naissance, il n'y a pas d'état civil, donc il n'y a pas de personne. Donc à ce moment-là, l'embryon ne serait pas une personne. Mmh. Donc, si l'embryon n'est pas une personne, on peut lui faire ce qu'on veut. C'était le cas avant 1994. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais néanmoins, l'embryon n'était peut-être pas une personne juridique avant 1994. L'avortement était quand même illégal en tant que pratique réalisée par la femme, en fait. Mmh. Mais l'avortement n'était pas illégal parce que c'était un homicide. Il était illégal en soi. Donc voilà. Donc à partir de 94, je vous dis ça a changé en France pour deux raisons. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les lois de bioéthique de 94, elles vont inclure le respect de la dignité humaine dès le commencement de la vie. Donc le commencement de la vie, maintenant c'est pas la naissance, c'est le commencement de la vie. Donc l'embryon n'est toujours pas une personne juridique, mais il a quand même le droit au respect de la dignité humaine. Et donc, ça fixe la notion d'une personne en devenir. Et deuxièmement, il y a la loi Huriette de 94, donc c'est la troisième loi qui est parée en 94, qui va affirmer que l'embryon ou le fœtus n'a pas d'existence juridique autonome en dehors de la personne de la femme. Donc ça, c'est les deux lois qui vont fixer un petit peu le statut de l'embryon en France. Donc primo, c'est pas une personne juridique, mais il a le droit au respect de la dignité humaine. Et deuxièmement, il n'a pas d'existence juridique autonome en dehors de la personne de la femme. D'accord. Voilà. Donc ces lois de bioéthique, elles vont régenter tout ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire avec des embryons. En France, on a le droit de conserver, de transférer des embryons fécondés in vitro. On a le droit d'importer des embryons, on a le droit de trier des embryons, on a le droit d'éliminer des embryons qui seraient, on a le droit au diagnostic prénatal, c'est-à-dire qu'on peut séquencer le génome d'un embryon, regarder s'il a une maladie génétique et l'éliminer s'il l'a ou pas. Donc là, dans ce cadre-là, il s'agit bien d'eugénisme, c'est-à-dire qu'on va éliminer les embryons qui sont malades et conserver ceux qui sont sains. Et par contre, on a interdiction d'instrumentaliser l'embryon. On a interdiction à des fins commerciales ou industrielles, à des fins d'expérimentation ou de recherche. Donc c'est-à-dire que l'embryon ne doit pas être conçu dans ces fins-là. Par contre, il pourra éventuellement être utilisé à des fins de recherche s'il a été conçu dans un autre but. Et donc le seul but dans lequel on pourra le concevoir, c'est la fécondation in vitro. Donc, voilà. Ça veut dire que si la fécondation in vitro a porté ses fruits, s'il y a une naissance, enfin, j'imagine que oui, ça doit être l'indicateur, on peut utiliser les embryons résiduels pour la recherche. Voilà, C'est parce ça qu'en qui fait, est pour la problème. fécondation in vitro, comme il y a des, comme c'est difficile, enfin, il y a beaucoup d'échecs, on va former beaucoup d'embryons pour être sûr d'en avoir un qui marche. Et donc, à ce titre-là, il va rester à la fin, quand l'implantation de l'embryon dans l'utérus de la femme a réussi, potentiellement, il va rester des embryons. Et donc, ces embryons-là peuvent être utilisés à des fins de recherche. D'accord. Il me semble qu'Hélène Enfin. nous en avait parlé dans son dossier sur les cellules souches. Oui. En fait, c'est plus compliqué que ça. On va pouvoir l'utiliser à des fins de recherche, mais c'est interdit. Mais c'est un petit peu, je suis désolé, c'est un peu confus. Il y a une interdiction sur la recherche, sur l'utilisation à des fins de recherche de l'embryon, mais cette interdiction, elle est soumise à des dérogations. D'accord. Ces dérogations, elles sont soumises à des conditions. Donc, ces conditions, c'est la pertinence scientifique, l'utilité, c'est-à-dire qu'il faut que la recherche permette des progrès médicaux majeurs. Il faut qu'il n'y ait aucun autre moyen de faire cette recherche. Et il faut que cette recherche respecte les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires. D'accord. Donc, Donc ça, c'est les conditions à la dérogation. exactement. Il Donc, en y a fait, un c'est. truc qui me surprend beaucoup là-dedans, c'est cette notion d'utilité, parce que dans la recherche, par définition, si on savait ce qu'on allait trouver, il n'y aurait pas besoin de le rechercher. Tu vois, comment est-ce qu'on peut mesurer l'utilité avant d'avoir obtenu des résultats? Ouais, c'est vrai. Bah, je pense qu'il faut démontrer, il faut avoir Ouais, des un hypothèses assez assez, solides, je pense. voilà, des hypothèses solides et puis un consentement académique, quoi. L'idée que pas mal de scientifiques considèrent que cette recherche serait utile. Je pense que ça doit fonctionner un peu comme ça. Ouais, sans doute. C'est décidé en France, c'est décidé par l'Agence de la biomédecine qui va encadrer, justement, valider l'intérêt scientifique ou pas. Donc voilà. C'est une espèce de super comité d'éthique, c'est ça? Oui, avec le comité d'éthique, exactement. D'accord. Alors, moi, J'imagine un lieu plein de barbus avec des petites lunettes, c'est marrant. Ouais, je sais pas. Ouais, ça doit être sûrement être quelque chose comme ça. Moi, ça m'a pas mal rappelé ce dont je parlais la semaine dernière, c'est cette interdiction avec autorisation ponctuelle. Ça m'a beaucoup rappelé les débuts de la dissection. Si on fait le parallèle, je Ouais, trouve que c'est vrai. c'est assez frappant. C'est qu'il y a pas, il y a déjà, il y a la notion du flou juridique. C'est-à-dire qu'à l'époque de la dissection, il n'y avait pas vraiment d'interdiction, mais il y avait quand même. On sentait que c'était pas non plus libre, quoi. Et pareil, donc on pouvait le faire, mais il fallait des autorisations ponctuelles. Et là, bah, ça me rappelle ça. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pour finir, donc là, c'était sur le statut de l'embryon dans le droit français. Je vais juste dire rapidement. Quelles sont les autres dispositions que contiennent ces lois de bioéthique, donc qui vont fixer le statut de l'embryon? Il n'y a pas que l'embryon, en fait, dans ces lois de bioéthique. Il y a le diagnostic génétique qui est autorisé, mais il est encadré et il y a des sanctions qui sont prévues en cas d'abus. Donc on peut, par exemple, dépister les maladies génétiques chez des patients, etc. Disons qu'on peut distribuer l'information contenue dans le génome, que c'est pas interdit. Le don d'organes, il est autorisé, mais il y a des principes comme la non-discrimination des donneurs et des receveurs. Le don de gamètes également autorisé, mais il doit préserver l'anonymat. L'interruption volontaire de grossesse, elle est médicale ou même non médicale, elle est également autorisée. Donc il y a des délais légaux d'application pour l'interruption volontaire en l'absence de raison médicale. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'assistance médicale à la procréation, alors elle est autorisée, mais par contre elle est réglementée et elle doit intervenir uniquement en cas de stérilité. Donc c'est pas l'assistance médicale à la procréation, elle ne doit pas se substituer à la reproduction normale. Enfin, D'accord. là, parce qu'on a vu que dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, on a le droit de faire du tri d'embryons. Donc en fait, là, il y a de l'eugénisme. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas recourir à l'assistance médicale à la procréation comme ça, sans raison. Ensuite, ah oui, alors il y a un truc qui est intéressant. Il y a aussi des articles sur l'imagerie cérébrale, sur l'IRM fonctionnel, par exemple. Ça doit être encadré. C'est-à-dire que maintenant, on peut pas prescrire des IRM comme ça. Il faut qu'il y ait des raisons médicales. Et la raison, ça, c'est que, enfin, c'est par l'IRM, on peut faire des déductions qui sont qu'on peut considérer que ça porte atteinte à la personne humaine. Par exemple, si on voit une aire du cerveau qui est moins développée chez quelqu'un, on va pouvoir dire bon, cette personne-là est moins portée sur telle chose. Enfin, c'est Disons... J'imagine qu'il y a une espèce de notion d'intrusion dans la vie privée aussi. Tu peux voir directement ce qui se passe au niveau du cerveau. Finalement, qu'est-ce que tu peux encore cacher? Comment est-ce que tu peux garder la face? Exactement. Et si tu as envie de raconter une histoire, tu peux juste faire, quoi. Oui. Ouais. Maintenant, on peut lire dans les pensées. J'avais vu des études où ils arrivaient à déterminer à quel mot tu pensais en fonction de quelles aires s'activaient dans ton cerveau. Donc, c'est pour ça compréhensible que ça soit réglementé, quoi. Ouais. En tout cas, ça vaut la peine de se poser la question. Là, après, est-ce que c'est correctement réglementé? J'en sais rien, quoi. Ouais. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'il y avait derrière ce point spécifique Ouais, j'ai de pas la regardé batterie de l'article, loi. ouais. Mais c'est juste. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est juste un encadrement. C'est qu'il y a pas de. Je crois que c'est juste un article dans la loi. Faudrait que je regarde, mais c'est pas très explicité, quoi, je pense. D'accord. Voilà. Donc voilà pour le statut de l'embryon. Donc là, j'étais parti donc sur ce concept de dignité humaine. Donc la dignité humaine qui a été affirmée dans la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, qui est arrivée dans le droit français en 94 et qui a été réaffirmée dans le droit international par la Convention d'Oviedo. Mais on va voir que ce concept de dignité humaine, donc qui a régenté toutes les lois de bioéthique à propos de ces technologies modernes sur voilà la procréation médicale, sur tout ce dont je vous ai parlé, le don d'organes, le diagnostic génétique, etc. Ce concept de dignité humaine qu'on n'a jamais défini nulle part en fait, il fait pas l'unanimité du tout. Mais disons que c'est le seul outil qu'on a eu jusqu'à présent pour justifier toutes les interdictions, de dire ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé. On a utilisé ce concept de dignité humaine, mais finalement, on n'a rien résolu du tout, quoi. Et donc, c'est ce qui apparaît dans un article de 2003. Donc, de toute façon, il ne fait pas l'unanimité, il n'a jamais fait l'unanimité, ce concept, mais disons que c'est cristallisé dans un article du British Medical Journal de 2003 par Ruth MacLean, qui va donc dénoncer l'inutilité de ce concept. Alors, elle dit que cette scientifique dit qu'il est inutile car il est indifférent du respect des personnes, c'est-à-dire qu'il n'apporte rien d'autre que dire il faut respecter les personnes dans leur intégrité, etc. La dignité, c'est exactement la même chose, elle va expliquer. Et cette critique d'inutilité du concept, elle va être grandement relayée dans le milieu scientifique. Alors, il y a eu des défenseurs. Donc, notamment un certain Roberto Andorno, qui est un membre du comité international de bioéthique, etc. Et donc, les arguments de ces défenseurs, ce sont des arguments philosophiques. En fait, là, on a quitté le domaine de la science et on va gagner le milieu, le domaine de la philosophie. Alors, grosso modo, ces arguments philosophiques qui sont liés à la valeur spirituelle de l'être humain. Donc la dignité, c'est la valeur spirituelle de l'être humain. Et pour ça, on utilise la référence de Kant. Donc Emmanuel Kant, qui est un philosophe allemand, donc qui a considérablement marqué la philosophie. Donc Kant, il va distinguer deux types. Il va distinguer entre les choses et les personnes. Il va distinguer les choses qui ont un prix et les secondes choses qui n'ont pas de prix, mais une valeur intrinsèque. La dignité. Donc en fait, la dignité, c'est ce qui n'a pas de prix, qui n'est pas échangeable et qui va déterminer le concept de personne. Donc La cette dignité, dignité, finalement, c'est ce qui n'a pas de prix, qui et n'est qui n'est pas pas échangeable. échangeable, Ok. ouais, qui est une valeur intrinsèque. Ok. Mais je vais continuer l'explication. Cette dignité, en fait, c'est le propre de l'homme, du coup. Et alors, et c'est là que c'est le point, quoi. C'est qu'en fait, elle s'exprime dans l'autonomie. Donc l'autonomie en philosophie, c'est la liberté. Et la règle de l'autonomie selon Kant, c'est ce qu'on appelle l'impératif catégorique. Alors, qu'est-ce que l'impératif catégorique? Donc l'impératif catégorique, si j'ai bien compris, ça s'oppose à l'impératif hypothétique. Donc l'impératif hypothétique, qu'est-ce que c'est? C'est j'agis, l'impératif de mon action est conditionnel, c'est-à-dire que par exemple, il fait beau, je mets un t-shirt, il pleut, je mets un manteau. L'impératif catégorique, il ne dépend d'aucune condition extérieure, mais le seul principe, la seule maxime qui fonde cet impératif, c'est agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Donc en fait, ça c'est la loi de l'impératif. Oui, bien sûr. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Donc en fait, tu dois l'impératif catégorique, c'est dire je dois agir de telle sorte à ce que la maxime qui guide mes actions pourrait devenir une loi universelle. Donc ça, c'est l'impératif catégorique. C'est l'opposition à l'impératif hypothétique. Donc l'impératif hypothétique, c'est j'agis en fonction des conditions. L'impératif catégorique, c'est j'agis de telle sorte à ce que ce qui guide mes actions pourrait être appliqué pourrait devenir une loi universelle. Okay. Et donc cet impératif catégorique, il va exprimer l'autonomie, la liberté. Donc c'est la raison qui fixe cet impératif catégorique, et la raison donc va constituer la liberté, l'autonomie du sujet, et donc le propre de l'homme. Est-ce que c'est à peu près compréhensible ? Non, mais ça c'est pas de ta faute, c'est Kant, j'ai toujours eu de la peine. Ouais, je dois pas avoir été très clair. Bon, disons que c'est la capacité à raisonner qui fait de l'homme l'homme, quoi. Sa liberté, c'est sa capacité à raisonner, et ça fait le propre de l'homme et la différence avec les objets. Ça, c'est Descartes, non ? Je pense, donc je suis. Oui. Je pense que ça se contredit pas, mais bon, je suis pas philosophe. Donc en fait, ouais, voilà. Donc ça, c'est la référence, c'est la justification de cette dignité humaine dans la bioéthique. Mais bon, alors donc il y a des critiques. Encore une fois, il y a des critiques philosophiques. Des critiques philosophiques sur cette justification. Alors, c'est assez intéressant, et là, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Il y a deux types de critiques. Il y a les critiques d'extension et les critiques de compréhension. Donc, les critiques d'extension, c'est sur quoi porte cette dignité humaine. Mm-hmm. Est-ce qu'elle s'applique à l'homme dans tous ses états, de l'embryon à l'individu, l'individu cérébralement mort, le cadavre ? Est-ce qu'elle s'exprime en totalité, c'est-à-dire le corps, les organes, les gènes, les cheveux, etc. Est-ce qu'elle s'applique uniquement à des hommes seuls, ou est-ce qu'elle s'applique également à des collectivités, des communautés? Voilà, donc ça c'est les critiques d'extension. Donc on ne sait pas sur quoi porte la dignité humaine. Okay. Mais même par exemple, est-ce qu'elle s'applique pas la dignité? Est-ce que les animaux ont une dignité? Est-ce que tout le règne vivant a une dignité? Enfin, voilà, c'est pas très clair. Et il y a les critiques de compréhension. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que la dignité humaine, elle est intrinsèque, ou est-ce qu'elle est au contraire, elle est dépendante d'un est-ce que tous les humains possèdent la dignité humaine de manière inconditionnelle, ou est-ce qu'au contraire elle est relative à des conditions, elle dépend de l'environnement. Donc ça c'est la première chose. Je ne sais pas si je vais pouvoir rendre ça clair. Est-ce qu'elle dépend du caractère humain ? Ça rejoint un peu l'objection d'avant. Est-ce qu'elle dépend du caractère humain ? Ou est-ce qu'elle tient au fait que chacun soit différent ? Et donc, dans ces cas-là, tout le monde a la dignité. Même les gens, par exemple, cérébralement morts, ils ont également cette dignité parce qu'ils sont détenteurs de l'essence homme. Enfin, voilà. Et enfin, donc ça c'est une objection qui intervient dans le cas de l'euthanasie. Est-ce que la dignité, elle est dépendante de l'autonomie, donc de la liberté, ou est-ce qu'au contraire elles peuvent parfois être distinctes ? C'est-à-dire est-ce que la dignité inclut forcément la liberté, ou est-ce que dignité et liberté peuvent être dissociées ? C'est dans l'euthanasie par exemple, on voit que on va dire la dignité de l'humain, c'est de mourir dignement. Ouais, ouais. Mais la liberté, elle est-ce que c'est sa liberté ? Non, parce qu'il n'a pas exprimé son consentement, etc. Enfin, il y a des complications philosophiques, quoi. Voilà. Donc voilà pour la dignité. Bah, je sais pas s'il reste du temps. Non, il est déjà 9h25. Ouais, on va plutôt essayer de conclure. Mais peut-être t'avais encore une ou deux petites choses à nous dire. Bah, là, j'en arrive au droit comparé, c'est-à-dire dire ce qui est possible ou pas dans certains pays. Peut-être que je peux résumer juste à l'euthanasie. Ouais, alors volontiers. Mmh. Alors, je vais passer directement à l'euthanasie. Donc déjà, on va parler de vocabulaire. Donc il y a l'euthanasie passive, L'euthanasie passive, c'est juste l'interruption des soins qui va engendrer la mort. L'euthanasie active, c'est l'administration par un tiers de la substance qui induit la mort. Donc il faut qu'on ait donné quelque chose qui donne la mort. Et l'assistance au suicide, c'est juste la mise à disposition des substances induisant la mort. D'accord. Aujourd'hui, l'euthanasie, elle est légale dans seulement 4 pays. Enfin, donc il y a la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg et il y a certains États américains. En fait, il y a beaucoup de conditions, donc c'est compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que en Belgique, elle est carrément légale, c'est-à-dire qu'elle est, on peut pratiquer l'euthanasie sur un patient qui doit être majeur, qui doit avoir donné son consentement, qui doit se trouver dans une situation médicale sans issue, etc. Et puis donc il y a une commission qui doit se réunir pour se prononcer pour ou contre. Et mais alors par exemple si on prend par opposition aux Pays-Bas c'est pas dépénalisé, mais ça constitue juste une clause d'exclusion pénale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir un médecin va pouvoir pratiquer l'euthanasie dans certaines conditions, pareil, mais ça reste illégal en fait. C'est juste une clause d'exclusion une cause d'excuse pénale. Et on voit qu'en termes de chiffres, c'est très important, parce qu'aux Pays-Bas, il y a eu 2300 euthanasies en 2005, et il y en a eu plus de 1000 en Belgique en 2011, je crois, 2010 ou 2011. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez importants. Quand on voit que, par exemple, en France, le nombre d'accidents de la route, c'est, je crois, 4000 personnes par an, enfin, c'est des chiffres importants, quoi. Ouais. Ouais, je pensais pas qu'il y en avait autant, effectivement, c'est surprenant. T'as dit combien ? 1000 en Belgique ? Ouais, plus de 1000 en Belgique, en 2010, je crois, et aux Pays-Bas, en 2005, 2300. Et l'écrasante majorité des cas, c'est pour des causes de cancer à domicile. Ouais. Donc ensuite, aux États-Unis, donc il y a l'Oregon et l'État de Washington qui ont accepté le suicide assisté, sans légaliser pour autant l'euthanasie. Donc voilà. Après, ça, ce sont les seuls États qui vont légaliser ou disons tolérer d'une certaine manière l'euthanasie active ou le suicide assisté. Après, il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui vont tolérer, on va dire, l'euthanasie passive. Et la France, c'est un de ces pays-là. C'est-à-dire que quand on est dans une situation d'impasse thérapeutique avec des patients qui sont maintenu en vie par la seule action médicale, enfin, on va tolérer que l'interruption des soins et on va laisser la personne mourir. Ça, c'est l'euthanasie passive et c'est toléré dans beaucoup de pays. Okay. Je crois que ça s'est pas fait automatiquement non plus en France. J'ai le souvenir d'un cas, ça devait être quoi, dans les années 80 ou 90, d'une mère qui avait débranché son fils. Qui était mort cérébral depuis longtemps. C'est un truc qui avait déchaîné la chronique. Ah ouais ? Ouais, d'effrayer les médias. Ouais, et donc la mère n'a pas été poursuivie du coup. Et puis justement, au départ, elle l'a été, mais c'est son combat qui a fait changer la loi. Bien non, sûr, ouais, et justement, il n'a pas dû changer la loi, mais il a dû, faire jurisprudence, quoi. Ouais, absolument, ouais. Ouais, bah c'est ça en fait. Totalement incapable de me rappeler du nom. Ouais, c'est un peu mon boulot ça, je suis pas tombé sur cette histoire. Vincent Humbert. Vincent Humbert. Ah oui, si, je l'ai sous les yeux, tiens, oui. Ah oui, non, mais bon, je raconte absolument n'importe quoi. En fait, il était tétraplégique, il n'était pas du tout en situation de mort cérébrale. Ouais, bon. Je ne veux pas me lancer comme ça, on trouve sur Wikipédia, si jamais c'est l'affaire Vincent Humbert, comme ça, en toutes lettres, ouais. Il y a toute la chronologie de l'histoire. Ok. Voilà, donc pour l'euthanasie, ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà, donc j'ai fait qu'un aperçu rapide de tous les champs possibles de la bioéthique, hein. c'est une discipline très vaste, etc. Mais vraiment, le concept important, je pense qu'il faut retenir, c'est cette notion de dignité humaine, qui est pas définie, mais qui est la base, disons, de la bioéthique actuelle. Ouais. Ouais, bon. Oui, pardon. Non, ouais, enfin, je voulais juste dire, moi, c'est pour continuer mon parallèle, disons que ça me rappelle un peu le concept de l'âme, quoi. Et d'ailleurs, c'est ouvertement revendiqué, quoi. C'est que cette dignité humaine, elle a quelque chose de religieux, quoi, de théologico-religieux. Mm-hmm. Donc voilà. Ouais, bah, tu vois, c'est marrant, c'est un sujet sur lequel hein, je ne m'étais jamais posé la question. On te balance cette notion de dignité comme une évidence, finalement, comme un truc Bah ouais. qui a même pas besoin d'être défini, finalement, tant c'est évident et tant il y aurait consensus. Et puis en réalité, ça aurait totalement besoin d'être défini. En tout cas, ça vaut la peine qu'on se pose la question. Mais comment tu le définirais, toi? La Enfin, comme dignité ça, à humaine, froid. Ouais. bah écoute, j'aurais beaucoup de mal. C'est la question que je me suis posée pendant la moitié de ton dossier. Comment est-ce que je Ouais, c'est ça. définirais la dignité humaine? Qu'est-ce que c'est être humain, quoi? Ouais. Ouais, écoute, j'aurais vraiment beaucoup de peine comme ça. À froid, j'y arrive pas. Il faut que je réfléchisse un peu. Ouais. Mais en fait, non, c'est même pas ça. C'est même pas qu'est-ce que c'est être humain, c'est qu'est-ce que la dignité de l'être humain? Parce que l'être humain, à la limite, c'est une autre question. Mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il y a de. Pourquoi est-ce que l'être humain est différent? Enfin, bon, ouais. C'est tout ça, c'est philosophique. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a tous l'impression de comprendre de quoi on parle quand on parle de dignité, ceci dit. Bah, chacun doit avoir sa conception, ouais. Probablement, ouais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pas questionné, quoi. Comme Bah, disons que c'est. tu En viens tout de cas, il le n'y a pas de faire. réponse, en tout cas, Ouais. surtout. Mais ouais, j'aurais bien aimé te. Enfin, parce que moi, j'ai un peu compris en approfondissant, mais l'histoire de l'impératif catégorique de Kant, c'est. Franchement, c'est. Non, mais C'est. c'est pas de ta faute, hein. J'ai déjà essayé l'impératif D'accord. hypothétique et l'impératif catégorique de Kant. Au bout de. Enfin, quand j'ai le cerveau qui fume après quelques heures, ça finit par rentrer, mais ça ressort assez rapidement. Ah bon, ok. Ouais. Non, t'y es absolument pour rien. Il y a Mantine dans la chatroom qui nous donne sa définition. Elle dit, quand on voit les shows de télé-réalité, on peut se demander où est la dignité humaine. Bah ouais, c'est Ouais. ça. Mais c'est pas con comme définition, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est l'instrumentalisation, c'est la mise en scène de l'être humain et puis Ouais, la voilà. négation de ce Voilà. qui fait notre essence, quoi, de ce qui fait notre valeur. Enfin, c'est probablement tout ça, la dignité. Et on est Ouais. juste réduit à l'état de pantin dans ces trucs-là. Je pense que ouais, c'est une bonne manière de poser. De poser la problématique, mais ça reste quand même super difficile à définir. Bon, Ouais. on a des devoirs pour la semaine prochaine. Ouais. Définir la dignité. Bah si on arrive, je pense qu'on est des stars, hein. Ok, bah écoute, Franck, merci infiniment. C'était vraiment un dossier passionnant. Mon petit doigt me dit que ça va tous nous travailler encore beaucoup et puis qu'on va peut-être te demander de t'y remettre une fois ou l'autre. Ah Parce bah qu'en avec plaisir, ouais. En partant de là, il y a toutes sortes d'extensions possibles. Ah oui, c'est clair, c'est clair. On avait évoqué une fois avec Mathieu, il y a très longtemps, c'était au début du podcast, la notion de brevetabilité du vivant. Oui, je suis allé regarder, ouais, tu m'avais parlé de ce dossier, je suis Ouais. allé regarder un petit peu pour m'inspirer. Je sais plus ce que vous aviez dit, c'était oui, c'était bah justement, vous aviez parlé de la dimension éthique, etc. Mais oui, c'était surtout, c'était un peu c'était technique, c'était assez technique quand même. C'était assez technique et puis c'était assez informatif. Je crois Oui, que voilà, c'est voilà, ça. c'est ça. Mathieu avait découvert en fait que certains gènes étaient brevetés. Ça l'avait beaucoup étonné. Il avait pas mal creusé puis il avait présenté Ouais. quelque chose Bah, là-dessus. et donc l'explication, donc à la, donc là, la, par, enfin, la brevetabilité du vivant, j'en ai pas trop parlé, mais sur la notion de patrimoine génétique, c'est qu'en fait, justement, c'est le patrimoine génétique fait partie de la dignité humaine, quoi. C'est intouchable. Et d'ailleurs, actuellement, j'ai plus la réponse, mais je crois que le génome humain est brevetable aux États-Unis, si je ne m'abuse. Faudrait que je voie la décision en cours d'av... Parce que c'était pour les gènes du cancer du sein. Ouais, bah je regarderai, je mettrai ça dans les notes d'émission. Ok. Donc toi, tu vas faire tes devoirs tout de suite. Ouais, exactement. Ça sera dans les notes d'émission. Bon, ben c'est parfait. Excellent. Il y a Amantine aussi dans la chatroom qui te remercie pour ton gros bon dossier qu'elle réécoutera. C'est peut-être aussi le passage sur l'impératif catégorique. Ouais. Non, mais je suis allé un peu vite, j'espère que c'était clair. Non, non, mais c'était très très clair. Ok. Je te rassure. Ok, Vraiment ok. super bien. Ok, bah écoute, on va enchaîner, on a encore deux trois petites choses à dire. D'abord, comme d'habitude, un petit rappel pour notre sortie IRL au Palais de la Découverte le 9 juin prochain, donc on peut s'inscrire sur le site. Toi, tu pourras pas être avec nous la journée, Alors. mais tu seras là pour les afters, c'est ça? Ouais, a priori, je travaille samedi prochain. Je vais essayer de voir si je peux me libérer, mais normalement, je travaille, mais je serai là le soir. Ok. Parfait. Et puis, oui, faut peut-être juste préciser qu'on sera pas tous là. Mathieu sera pas là. Nico, évidemment, sera là. C'est l'organisateur, l'instigateur de tout ça. Moi, je serai dans les passages, dans les parages aussi. Hélène va faire le déplacement de Montpellier. Elle sera là aussi. Marco, on ne sait pas encore. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce sera plutôt non, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, vous avez quand même une bonne partie de l'équipe de Podcast Science qui sera là. Et on a très envie de faire votre connaissance, quoi. C'est surtout ça en fait, hein. Même si vous connaissez déjà le palais de la découverte, on s'en fiche un peu à la limite. C'est l'occasion de parler. Tiens, je vois que Marco nous a rejoint, il dit bonjour dans la chatroom. Bon, on n'aura pas réussi à l'avoir avec nous pour la fin du dossier. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Ce n'est que partie remise, voilà. Absolument. En parlant de la sortie au Palais de la Découverte, donc ce sera le samedi 9 juin prochain, pour préparer tout ça, pour avoir une idée de ce que c'est que ce palais, quelle est son histoire, etc., ben Nico organise une émission spéciale qui aura lieu le mercredi 6 juin. Donc attention, ce ne sera pas le jeudi pour une fois, ce sera le mercredi. Alors, il m'a remis des espèces de bouts de brouillon en me disant tu prends le début, tu biffes le milieu, tu reprends un petit coin derrière et puis tu ajoutes ça comme conclusion et puis ce sera mon 1 minute pitch. Voilà, il n'a pas eu le temps de le finir. Alors je vais essayer. C'est le 1 minute pitch du dossier de Nico de la semaine prochaine. Enfin, ce n'est pas un dossier, il y aura un petit bout de dossier, puis il y aura surtout des intervenants. Si je me plante pas, ça va comme ça. Ce fut une naissance mémorable. Tout a commencé en 1934. La France préparait alors fébrilement la grande exposition de 1937 qui faisait sortir du sol de Paris non seulement de très nombreux pavillons éphémères répartis sur 100 hectares, mais encore de nouveaux et grands musées, le musée d'art moderne, le musée de l'homme, le musée de la marine, le musée des monuments français, le musée des arts populaires, tout ça en même temps. Jamais exposition universelle n'aura apporté autant de lustre au visage de la capitale. Une armée de responsables avait été répartie en 14 groupes pour organiser cette exposition, et l'un de ces groupes avait reçu le titre ambitieux de groupe de l'expression de la pensée, car l'exposition ne voulait pas seulement présenter des objets matériels, elle voulait aussi refléter les choses de l'esprit. Elle coïncidait d'ailleurs avec le tricentenaire du discours de la méthode. Un jour, au cours d'un entretien avec son secrétaire général, un peintre nommé Léveillé, ce dernier... Oui, pardon, un peintre nommé Léveillé, ce dernier fait à Jouvenel la déclaration suivante, que certains trouveront étonnante de la part d'un artiste. Il lui dit: Rien ne marque peut-être la pensée de notre temps autant que la démarche scientifique. L'exposition devrait montrer l'extraordinaire progrès de la science. Il faut créer un palais de la science. Ce sera le clou de l'exposition. Jouvenel est enthousiasmé par cette idée que lui donne Léveillé et il décide de faire appel pour la mettre en œuvre à un des plus grands savants de l'époque, dont nous avons la chance d'avoir ici le fils, Jean Perrin. Voilà, et puis donc ça c'était. Je dois finir avec ceci. Ce lieu est bien sûr le Palais de la Découverte. La semaine prochaine, nous retracerons son histoire avec trois invités exceptionnels. Marie-Thérèse Canard, qui travaille depuis une trentaine d'années au sein du département de biologie du Palais, et Pierre Audin et Robin Jamais, qui à eux deux cumulent autant d'années au département des mathématiques. Vous saurez ainsi tout sur le lieu de la prochaine IRL de Podcast Science. Voili voilou. Donc tout ça, c'est pour mercredi prochain. Alors moi j'ai deux remarques à faire. La première partie, c'était pas un extrait d'un bouquin? Si, absolument. Ah oui. Ouais. Tu vas nous dire lequel? Alors là, attends, je consulte ma bibliothèque intérieure. Non, je ne sais pas. Ouais, non. En fait, c'est pas un bouquin, c'est un extrait de la revue du Palais de la Découverte, un numéro spécial, numéro 36 d'octobre 1989. C'est une allocution du professeur Jean Amburger de l'Académie française. Ok, d'accord. Voilà, qui, sauf erreur, était le père de Michel Berger d'ailleurs. Et qui avait écrit un livre absolument génial que j'avais lu il y a longtemps, le journal du docteur Harvey, c'est possible? Enfin, je crois, tout ça de mémoire, donc c'est absolument pas fiable. Personnage intéressant, si c'est lui, que ce Ok. Jean Amburger. Et deuxième chose, bah vivement la semaine prochaine alors. Ah bah ouais. Non, ça va être super. Je me réjouis beaucoup. C'est une histoire fascinante que cette histoire du palais. J'ai commencé à regarder un petit peu déjà ce qu'on trouve sur Wikipédia. Ouais. C'est épatant. Bah ça sent la révolution industrielle un peu, non? Toute la période d'excitation autour de la science, de l'industrie, tout ça. Écoute, moi, ce qui m'épate le plus avec cette histoire, c'est qu'on était en pleine montée des fascismes en Europe. Enfin, il y avait vraiment d'autres chats à fouetter à l'époque. Ouais. Tout le monde était en train de s'armer pour une guerre probable à venir. Et puis, il y avait des mecs assez fous pour avoir ce genre d'initiative. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt à l'époque des fascismes, t'as Bah raison. ouais, non, c'est complètement incroyable. C'était un projet provisoire, donc qui devait vivre le temps d'une expo, et puis finalement il est toujours là. Pour notre plaisir. Ouais, c'est ça, ouais. Pratiquement 80 ans plus tard, Ouais. c'est complètement incroyable. Donc voilà, très bon lieu qu'a choisi Nico pour notre sortie, et puis excellents invités qu'on se réjouit de rencontrer la semaine prochaine. Sinon, on avait encore quelques petits plugs à faire. Alors, attends, voilà, je crois que je m'en mêle un peu les pinceaux. Voilà, j'ai encore eu des instructions de la part de Nico, qui voulait faire la promotion un peu last minute du salon Culture et Jeux Mathématiques 2012. Si jamais il y sera dimanche, donc contactez-le par les moyens habituels si vous avez envie de le rencontrer. Et puis, il y sera sûrement aussi vendredi soir pour la soirée maths en scène. Donc c'est ce vendredi, demain en fait, le 1er juin 2012, de 19h à 21h, ça se passe dans l'UMPC à Paris, place Jussieu, amphithéâtre numéro 15. Toutes les informations se trouvent sur le site cijm.org, on mettra le lien dans les notes de l'émission. J'en profite aussi, toujours en parlant de Nico, pour indiquer qu'il va jouer dans une pièce de théâtre avec sa compagnie. Ce sera notamment le 15 juin et le 19 juin, mais la crapule n'a pas voulu m'en dire plus, ou il n'en savait encore pas plus sur le lieu précis où ça va se dérouler. Donc si vous avez envie de faire pression, bah, allez-y. Et puis sinon, une petite news, enfin une news importante quand même. Je voudrais juste signaler le transit de Vénus le 6 juin prochain, de très bonne heure. Alors, un transit de Vénus devant le Soleil se produit lors du passage de la planète Vénus, exactement entre la Terre et le Soleil. Donc, c'est exactement comme une éclipse de Soleil par la Lune. Vénus est quoi, 4 fois plus grande que la Lune, mais elle est tellement plus loin que voilà, ça fait juste un petit point, quoi. Elle occulte qu'une toute petite partie du disque solaire. Les transits de Vénus font partie des phénomènes astronomiques prévisibles les moins fréquents et se produisent actuellement suivant une séquence qui se répète tous les 243 ans, avec des paires de transits espacés de 8 ans, séparés par 121 ans et demi, puis 105 ans et demi. Et puis donc le dernier a eu lieu il y a 8 ans, justement en 2004, donc les prochains transits auront lieu en 2117 et en 2125, autant dire que je pense qu'aucun d'entre nous n'y assistera, donc c'est vraiment Mais la on peut les dernière voir? chance. Ouais, on peut les voir, la Ah oui, peau. ok. Mais il faut se lever de bonne heure. Pour la voir de Paris, ce sera le mardi 6 juin à 6h du matin. Et du plus au sud, enfin, c'est pas l'heure change beaucoup en fonction de la longitude, latitude? Écoute, non, en France métropolitaine, ce sera à peu près la même heure partout. Par contre, effectivement, elle change beaucoup d'un hémisphère de la Terre à l'autre. C'est pour ça que c'était un événement qui était si prisé des scientifiques, parce qu'il permettait, par trigonométrie, en fait, en fonction des différences observées suivant les endroits où on se trouvait sur la planète, de déterminer la distance de la Terre au Ah oui, Soleil. Ouais. d'accord, ok. On s'est planté que de quelques kilomètres en fait en appliquant cette méthode Ah, pas mal, ouais. par rapport aux outils qu'on a aujourd'hui. Il galérait quand même à l'époque, Ah, tu hein. m'étonnes, ouais. Surtout pour comparer les mesures entre le nord et le sud, sachant que tu n'avais pas deux pays sur la planète qui avaient les mêmes unités de mesure. Ça devait déjà être une belle galère, ouais. Non, c'est vrai, ça devait être un cauchemar. Donc voilà, dernière chance, le mardi 6 juin, il faut se lever super tôt, puis évidemment, il faut porter des lunettes de protection, il faut pas fixer le soleil. Je pense que c'est sans doute important de voir un événement pareil, mais pas. Disclaimer inside. Exactement, ouais, ça ne vaut pas la peine de se ruiner les yeux pour autant. Et puis, bah, sinon, pas grand-chose à dire, si ce n'est que comme on n'a pas Marco avec nous, le gredin, il échappe à sa côte en Le anglais. fourbe, ouais. Ouais. Du coup, c'est toi qui t'y colle. Ouais, Mais tu exactement. nous as déniché une côte Tu dans m'as fait un l'anglais, geste. mais en français. Ouais, parce que moi, j'ai pas le courage de Marco. Petit joueur. Ouais, exactement. Je suis un... Bon, Bon, lui, il qu'est-ce est que tu pas nous as là, alors. déniché? Alors, j'ai déniché une citation. Bon, on n'a pas le jingle alors, en plus. toute découverte de la science pure et subversive en puissance, toute science doit parfois être traitée comme un ennemi possible. Et c'est de Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Je crois que, je sais pas quel personnage le dit, mais je crois que c'est dans la préface ou. Enfin, je suis pas sûr que ce soit un personnage qui le dise. Ah, ce serait carrément Aldous Huxley. C'est Ouais. marrant, je l'ai lu, mais je me rappelais pas de ça. Mais il est, c'est un. Quand tu le dis, enfin, dans Le meilleur des mondes, il est quand même assez anti-scientifique finalement, ce bouquin. Ouais, tu vois, je l'ai lu il y a tellement longtemps que je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Bon, anti-scientisme en tout cas. Anti-scientisme, bah oui, parce que tu sais, c'est une espèce d'utopie qui est un peu cauchemardesque, quoi. C'est même une contre-utopie, quoi, une Ouais. dystopie. Ouais. Bon, ok, écoute, si ça vient d'Aldous Huxley, respect. Je pensais que Il était ça. un peu cinglé, je pense, hein, lui aussi, non? Je pensais que ça venait du pape, mais non, c'est pas ça. Et non. Ok, bon, on lui pardonne. C'est podcast anti-science ce soir, Voilà, avec exactement. Franck. Ouais. Non, mais bon, c'est vrai qu'on doit se poser des questions. Ceci dit, tu l'as bien montré, notamment la semaine dernière, quand tu as évoqué les dérives Ouais. dans le premier volet du dossier sur la bioéthique. La science peut aussi être aux prises avec des idéologies, et puis c'est un outil extrêmement puissant, un outil formidable. S'il est entre de mauvaises mains, ça peut donner des trucs terribles, quoi. Ouais. C'est comme ça que je l'interprète, Oui, cette c'est quote ça, c'est de le Huxley. et subversive en puissance. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Ça pourrait faire du mal. Bon, puis d'ailleurs, quand on y pense, comment dire, le projet Manhattan, qui est un projet scientifique absolument formidable, a quand même conduit Bah ouais, voilà, ouais. aux bombes atomiques qui ont été balancées sur Hiroshima et Nagasaki. Voilà, je pense pas qu'Einstein avait ce genre de Ouais, d'idée là, ouais. d'idée en tête quand, quand, Ah bah quand. tiens, d'ailleurs, j'en ai une sur Einstein. Ouais, vas-y, C'est allez-y, attends, générique sur Einstein. c'est ce que tu dis, c'est pour marcher au son des tambours, il n'y a que les êtres décérébrés qui peuvent marcher au son des tambours, ou un truc comme ça. Enfin, preuve qu'il était vraiment Ah, antimilitariste, il quoi. était totalement antimilitariste. Ouais. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il était extrêmement malheureux à la fin de sa vie. Mais il a été contemporain de. Non, il n'a pas connu Si, la si. bombe atomique, Oui, bien si? sûr qu'il l'a connu. Ouais. Ah ouais? Ouais. Il n'a pas Ah pu ouais. participer au projet Oui, il n'a Manhattan. pas voulu, je crois. Écoute, j'ai lu sa biographie il n'y a pas longtemps. Je crois que ça l'aurait intéressé pour la dimension scientifique. Mais il était allemand et donc suspect aux yeux des Ah oui, autorités c'est vrai. américaines. Juif par-dessus le marché, et puis il était considéré comme un sympathisant communiste par le FBI, alors que c'était Là, pas c'est vraiment pire le que cas tout. en fait. Ouais, mais c'était même pas le cas en réalité. Il était contre toutes les formes de totalitarisme. Du coup, il a été exclu du projet, même si quelque part il en a été l'initiateur. Il pensait que les nazis étaient sur le point de mettre en place le même type de projet, puis c'est lui qui Ah a alerté les oui. autorités américaines et qui leur a recommandé Ah de s'y oui. mettre, quoi. Et il Et en fait, il a pensait. changé d'avis. Au début, il était totalement contre. Et en fait, quand il s'est dit que les nazis pouvaient le faire, il s'est dit, il faut que nous, Exactement. on le fasse. Et il a retourné sa veste, quoi. Ouais, puis quand on a découvert à la fin de la guerre qu'en fait, Il le faisait pas. ils le faisaient pas, ils n'avaient pas les moyens de le faire, et puis ils l'auraient probablement jamais fait, puis il s'en est vraiment mordu les doigts. Ouais. Donc oui, effectivement, toute découverte de la science pure est subversive en puissance. C'est vrai, il avait raison, notre bon ami Il y a Aldous. aussi l'idée de science pure quand même, c'est ce que disait l'article, je sais plus combien de machin, c'est que la science doit être au service de l'être humain et pas l'inverse. Voilà, science pure. Ouais, je sais pas. Je pense que ça c'est discutable. Enfin, on va pas forcément Ah ouais? se lancer dans un débat. Ouais, que la science doit être au service de Ah l'humain. ouais? Attends, je discute ça. Non, c'est dans l'article, je sais plus quelle Ouais. c'est la convention, c'est la science et la société sont au service de l'individu. Mais ça, moi, je trouve ça génial, quoi. Enfin, c'est un avis, hein. Je suis pas là pour dire mon avis, mais toi, tu trouves que c'est discutable? Son service de l'individu, tu dis? Ou au service Ouais, de de l'être l'être humain? humain, quoi. Ouais. Ouais, de l'être humain, je crois. Je peux regarder, mais. Ben, moi, je trouve qu'il manque une dimension écologique à ce truc-là. C'est-à-dire que l'être humain s'inscrit quand même dans un écosystème. En fait, il n'est pas tout seul. Et puis, on a un peu tendance à se Ah. comporter comme si c'était le cas. C'est ça qui me gêne. Ah oui, mais moi je passerais plutôt l'écologie du côté de l'être humain en fait. Ah Toi ben. tu mets l'écologie du côté de la société et de la science? Non, écoute, je pense pas d'abord qu'on puisse. Oui, non, Ouais, c'est sûr. qu'on puisse les opposer de cette manière-là. Ouais. Mais je pense qu'on a tendance à placer l'être humain un peu au centre de tout, quoi, au centre. Bah oui, c'est vrai, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais toi, au détriment de quoi il faudrait pas le mettre au centre? Toi, tu dirais il faudrait le mettre derrière l'écologie, Non, je disons la pense nature, qu'il. quoi. Ouais, exactement. Je pense qu'il faudrait pas. Il faudrait que l'être humain soit un poil moins arrogant Oui, je vis-à-vis de son comprends. environnement. Ok. Et puis, ben voilà, avec ce genre de consignes, je pense qu'on a tendance à être un petit peu aveuglé quand même. Ouais. Ah, bon, c'est intéressant. Y a un autre truc qui m'a épaté dans tout ce que tu as dit, finalement, c'est que tout ça s'inscrit quand même dans un contexte culturel assez fort, quoi. Tu vois, le fait qu'on parle de la protection du génome juste à la fin des années 90, 90, quand on était sur le point de le décoder. C'est pas un hasard, quoi. C'était dans l'air du temps. Bah oui, mais ça c'est toujours pareil, c'est comme la dissection, elle a été interdite quand on a commencé à en faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, C'est exactement. toujours Ouais. pareil, ouais. Ouais. Et puis, bah, je pense que typiquement, le passage que tu citais qui indiquait que la science et la société doivent être au service de l'homme et pas le contraire, dans quelques années, c'est un truc qui sera probablement étendu, qui sera élargi. On dira doit être au service de l'homme dans un environnement Ouais. respectueux de. Ah, tu veux dire qu'on va introduire la notion d'environnement, que la société doit être au service de l'environnement Écoute, également, quoi. ouais, je pense qu'elle était moins dans l'air du temps Oui, ça il y c'est a 20 clair, ou je suis 30 d'accord. ans, et puis qu'aujourd'hui elle fait vraiment partie de nos préoccupations, bah parce qu'on est directement concerné en tant qu'espèce aussi. On se rend compte Ouais, c'est sûr. qu'on ne peut pas vivre en dehors, en autarcie, on ne peut pas vivre à côté des réalités, des ressources dont on a besoin, et ce genre de choses. Bon, il y a Marco dans la chatroom qui apporte une petite correction en tant que spécialiste des quotes. Il a retrouvé la quote que tu évoquais. D'Einstein qui disait: je méprise profondément ceux qui aiment marcher en rang sur une musique. Ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau. Une moelle épinière leur suffirait Ah amplement. oui, c'est ça, voilà. Et Ça ben, se tu trouve vois, je que crois qu'il s'est trompé, le père Einstein en l'occurrence. Je suis d'accord fondamentalement avec lui sur ce qu'il dit, sur la profondeur de ce qu'il dit, mais je crois pas qu'il suffise d'une moelle épinière pour être sensible à la musique. Ah non, c'est sûr. Ouais. Ouais, Mais mais bon, bon, l'idée est là, quoi. ouais, l'idée est là, c'est vrai. Ok, bon, on en reste là pour aujourd'hui. Ouais, ça me va. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, donc pas jeudi, mais mercredi, en direct de Paris, pour cette émission spéciale sur le Palais de la Découverte, orchestrée par Nico. Yep. Bah, d'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.